croyait au contraire rempli de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Soyons au contraire remplis de l'Esprit. Entretenons-nous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout notre cœur les louanges, de tout notre cœur les louanges du Seigneur.